إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers frères et sœurs, nous continuons ce soir la lecture et l'étude du livret sur la jurisprudence du jeûne simplifié. Et nous nous sommes arrêtés hier à la quatrième question qu'ils ont mentionnée dans cette introduction, au point concernant la sagesse pour laquelle son jeûne, c'est-à-dire le jeûne du mois de Ramadan, a été légiféré. Allah subhanahu wa ta'ala a pour nom Al-Hakim, qui signifie le sage. Et cela signifie qu'il est celui qui juge justement toutes choses, les parfait et les administre de la meilleure manière. Il est donc sage dans sa création subhanahu wa ta'ala, mais il est aussi sage dans sa législation. Il ne nous a pas ordonné une chose sans que celle-ci ne comporte un bien et un intérêt pour nous. Et tout ce qu'il nous a interdit, c'est que cela comporte un mal et une nuisance pour nous. Sa législation est donc d'une sagesse parfaite. Et tu dois avoir la certitude de cela. Même si tu ne connais pas la sagesse qu'il y a dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré, tu dois tout de même t'y soumettre et avoir la certitude que cela est dans ton intérêt. Et concernant le jeûne, les gens de science ont mentionné différentes sagesses. Parmi elles, les trois qu'ils ont mentionné ici. Ils ont dit premièrement la purification de l'âme, son assainissement et son épuration de toute mauvaise chose en elle et de tout caractère vil. En effet, le jeûne rétrécit les voies du diable dans le corps de l'homme. On a vu hier qu'il fait partie des objectifs les plus immenses du jeûne que le serviteur atteigne la piété. Et ici, il nous mentionne que le jeûne rétrécit les voies du diable dans le corps de l'homme. Et ceci est donc une aide à l'obéissance et à la multiplication des œuvres de bien et des bonnes actions. Car comme vous le savez, l'excès de nourriture et de boissons va rendre la personne lourde et paresseuse. Alors que durant le jeûne, l'homme est plus léger et il est plus enclin aux bien et aux bonnes actions. Tu vas donc profiter de cela pour te corriger et te réformer et purifier ton âme de tout ce qui est mauvais en elle. Corriger ton comportement, corriger ton attitude avec les gens, corriger, avant cela, ta manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, veiller à tes intentions, et ainsi de suite. Il ne faut pas penser que le jeûne, c'est simplement l'abstention de boire et de manger, ainsi de suite, parmi les choses qui annulent le jeûne. Non. Le jeûne, il a un objectif plus immense que cela. Et si Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit, durant le jeûne, de boire et de manger, alors que boire et manger sont des actes qui sont à la base permis si tu ne jeûnes pas. Si tu délaisses ces choses qui sont à la base permises, tu dois d'autant plus faire des efforts pour délaisser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit. Et c'est ce que l'on retrouve dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit à ce sujet, « Celui qui ne délaisse pas les paroles fausses et leur mise en pratique, alors Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. » Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que cela signifie que celui qui fait un péché, il doit arrêter de jeûner? Non, ce n'est pas cela le sens voulu du hadith. Faire un péché n'annule pas le jeûne. Toutefois, cela en diminue énormément la récompense. Mais ce qui est visé par ce hadith, c'est qu'il t'incombe, lorsque tu jeûnes, de redoubler d'efforts pour purifier ton âme, pour purifier ton cœur, pour purifier tes intentions et pour purifier et corriger ton comportement, afin de t'écarter de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit. Et si tu fais cela, alors il ne fait aucun doute que ta foi augmentera en fonction de tes efforts. Et plus ta foi augmentera, plus tu auras d'enclin et d'entrain dans les bonnes actions bi'inillahi ta'ala. Ensuite, ils ont dit deuxièmement, le jeûne aide à renoncer à la vie d'ici-bas et ses désirs, ainsi qu'à aspirer à l'au-delà et ses bienfaits. D'où ont-ils tiré cette sagesse? La réponse est très simple. Qu'est-ce que tu délaisses lorsque tu jeûnes? Tu délaisses des choses mondaines parmi les choses que tu désires, comme la nourriture, la boisson et autres parmi les choses qui sont interdites durant le jeûne. Ces choses-là sont donc des plaisirs et des désirs mondains. Et pourquoi tu les délaisses? Tu les délaisses car tu espères la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Donc lorsque tu jeûnes, tu habitues ton âme à renoncer au plaisir d'ici-bas afin d'obtenir des bienfaits et des plaisirs bien plus immenses et bien plus durables dans l'au-delà. Et si tu arrives à faire cela en ce qui concerne le jeûne, tu dois éduquer ton âme et apprendre à agir de cette manière dans ton quotidien, de sorte à ce qu'un bienfait mondain, même si c'est une chose permise, une chose que ton âme désire, si le délaisser te permet d'obtenir des bienfaits de l'au-delà, de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'augmenter ta foi, alors tu ne dois pas hésiter un instant à délaisser ces plaisirs mondains. Car ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est bien meilleur et plus durable qu'un simple plaisir éphémère dont tu ne vas jouir qu'un instant, puis qui va disparaître. Et le jeûne t'éduque à cela, bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, ils ont dit, troisièmement, le jeûne pousse à avoir de la compassion pour les pauvres et à ressentir leur douleur, car le jeûneur goûte à la douleur de la faim et de la soif. Il ne faut aucun doute qu'à notre époque, beaucoup d'entre nous vivent dans l'abondance. Même ceux qui ont le moins d'aisance parmi nous ne ressentent généralement pas la faim, sauf lorsqu'ils jeûnent. Ceci est un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé. Et nous nous devons de faire preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits. Ne pas être ingrat, ne pas sans cesse se plaindre de manquer de ceci ou de cela, car en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés de bienfaits indénombrables. Il nous incombe d'être reconnaissants envers lui pour cela. Et il fait partie de cette reconnaissance d'utiliser ces bienfaits dont il nous a comblés pour nous rapprocher de lui, comme par exemple en dépensant nos biens et nos richesses pour les plus nécessiteux parmi nous. Et lorsque tu jeûnes, lorsque tu souffres de la faim et de la soif en fin de journée, rappelle-toi qu'il y a dans certains endroits parmi tes frères et tes sœurs des gens qui ressentent ce que tu ressens du matin au soir car ils n'ont rien à manger, si ce n'est que très peu, leur permettant de survivre. Rappelle-toi d'eux et regarde si tu es en mesure de faire quelque chose pour leur venir en aide, pour combler leurs besoins, afin qu'ils sortent de cette situation et qu'ils sortent de cette pauvreté. Donc ceci fait partie des sagesses immenses qu'il y a dans le jeûne. Que le riche puisse goûter à la faim et à la soif, et ensuite dépenser ses biens pour venir en aide à ses frères et sœurs qui vivent dans la pauvreté. Ils ont dit, ainsi que d'autres sagesses remarquables et de nombreux bienfaits. Ceci ne sont que certaines des sagesses du jeûne, et il ne fait aucun doute que ces sagesses sont bien plus nombreuses que celles mentionnées. Ensuite, ils ont dit cinquièmement, c'est-à-dire la cinquième question, les conditions rendant obligatoire le jeûne de Ramadan. C'est-à-dire pour qui le jeûne du mois de Ramadan est-il obligatoire? Ils ont dit le jeûne de Ramadan est obligatoire pour toute personne remplissant les conditions suivantes. Ils ont mentionné six conditions. La première, l'islam. Il n'est donc pas obligatoire et n'est pas valide s'il est accompli par le mécréant. En effet, le jeûne est une adoration et l'adoration accomplie par le mécréant n'est pas valide. Le mécréant, quoi qu'il fasse comme œuvre, même s'il jeûne le jour et prie la nuit, fait de nombreuses aumônes, aucune action n'est acceptée de lui jusqu'à ce qu'il entre en islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet, au verset 54 de Surat At-Tawbah, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Ce qui empêche leur don d'être accepté, c'est le fait qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son messager. Donc le mécréant, quelles que soient ses œuvres, tant qu'il n'entre pas en islam, ses œuvres ne sont pas acceptées. Et ceci attire notre attention sur un point d'une grande importance, et une erreur commise par nombre de personnes lorsqu'ils appellent les mécréants à l'islam, qui est qu'ils ne commencent pas par les priorités. Combien sont ceux qui ont eu des connaissances parmi les musulmans? Et la première chose à laquelle On les a appelés de faire le jeûne du mois de Ramadan, de cesser de consommer de la viande de porc et autres choses semblables. Il n'y a pas de doute que ces choses font partie des législations de l'islam. Mais en quoi cela est-il profitable pour le mécréant? S'il n'est pas musulman, ceci n'est pas accepté de lui. Et la première chose par laquelle on commence, lorsqu'on souhaite appeler quelqu'un à l'islam, c'est de l'appeler à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. L'appeler au premier pilier de cette religion, qui est la double attestation de foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. J'atteste qu'il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah, et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. C'est par cela qu'il faut commencer. Tant qu'il n'a pas accepté cela, aucune œuvre ne sera acceptée de lui. Tu commences donc par l'appeler au tawhid, l'appeler au suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et une fois qu'il a accepté cela, et qu'il a prononcé la double attestation de foi, qu'il fait partie de nos frères, alors on lui enjoint l'ensemble des prescriptions de l'islam, et parmi elles, le jeûne du mois de Ramadan. Ensuite ils disent, et s'il entre en islam, on ne lui impose pas de rattraper ce qu'il a manqué. Il se peut qu'une personne entre en islam alors qu'elle est âgée de 40, de 50 ou 60 ans, et que durant toutes ces années, il n'est jamais jeûné, étant donné qu'il n'était pas musulman. Une fois qu'il entre en islam, il ne lui est pas demandé de rattraper les jeûnes de Ramadan passé, car il ne faisait pas partie de ceux pour qui le jeûne était obligatoire avant d'entrer en islam. Mais une fois qu'il entre en islam, on lui enjoint les prescriptions de l'islam et parmi elles le jeûne du mois de Ramadan. Quant à celui qui était musulman, mais qui a été négligent vis-à-vis du jeûne, il n'a pas jeûné lorsque celui-ci est devenu obligatoire pour lui. Il l'a négligé lorsqu'il était jeune, tout en étant musulman, mais il l'a délaissé par paresse ou par manque de considération. Alors celui-ci, lorsqu'il se repent, il lui incombe de rattraper l'ensemble des jours qu'il a délaissés alors qu'il lui incombait de jeûner. La deuxième condition est la puberté. Ils disent, le jeûne n'est donc pas obligatoire pour celui qui n'a pas atteint le seuil de responsabilité. Comme le démontre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La plume a été levée pour trois, et il a mentionné parmi eux l'enfant jusqu'à ce qu'il soit pubère. Donc l'enfant, tant qu'il n'est pas pubère, le jeûne n'est pas obligatoire pour lui. Une fois qu'il atteint la puberté, il est obligatoire pour lui de jeûner, car il a atteint l'âge de la responsabilité. Il devient responsable de ses actes. Et s'il en est ainsi, on comprend qu'il est d'une grande importance pour la personne de savoir comment elle devient pubère, car cela implique un grand changement dans sa vie. Une fois qu'il devient pubère, il est responsable de ses actes. Ses péchés sont inscrits. Il est obligé de faire ce qui est obligatoire pour l'adulte. Il doit donc savoir quand a lieu ce moment d'une grande importance. Et il incombe aux parents d'enseigner cela à leurs enfants et de ne pas être négligents à ce sujet. Et combien sont ceux à devenir pubères sans le savoir en raison de la négligence de leurs parents, wallahu al-musta'an. Donc les gens de science ont mentionné que la puberté a différents signes. Si l'un d'entre eux est présent, l'enfant devient pubère, et ce n'est pas une condition qu'ils soient tous réunis. Parmi les signes de la puberté, il y a l'apparition de la pilosité pubienne, que ce soit un garçon ou une fille. Parmi les signes de la puberté également, il y a la sortie du liquide séminal suite à un désir que la personne soit éveillée ou endormie. Et ceci également rend automatiquement la personne pubère, que ce soit un garçon ou une fille. Le signe suivant concerne exclusivement les filles, et c'est l'apparition du sang des menstrues. Donc si l'un de ces trois signes apparaît, l'enfant a atteint le seuil de la responsabilité et la plume n'est plus levée pour lui. Et il lui incombe ce qui incombe aux adultes. Il devra par conséquent obligatoirement jeûner, prier et ainsi de suite parmi les obligations religieuses. Et si aucun de ces signes n'apparaît, alors lorsqu'il atteint l'âge de 15 ans, il devient pubère. Si aucun de ces signes n'apparaît, alors à 15 ans, on considérera qu'il est pubère. Mais bien souvent, l'un des trois signes précédents apparaîtra bien avant qu'il atteigne 15 ans. Donc ça, les parents doivent l'enseigner à leurs enfants. Ce n'est pas un sujet tabou, ce n'est pas une chose qui doit être cachée, car c'est de cela que dépend la responsabilité de nos enfants. Donc une fois pubère, l'enfant devra obligatoirement jeûner. Avant la puberté, le jeûne n'est pas obligatoire pour lui. Mais bien que le jeûne ne soit pas obligatoire pour lui, ses parents doivent l'habituer au jeûne. C'est pour cela qu'ils ont dit « Toutefois, le jeûne de l'enfant impubère est valide s'il a atteint l'âge du discernement. » L'âge du discernement qui correspond généralement à l'âge de 7 ans. Lorsqu'on commence à ordonner aux enfants la prière. À partir de cet âge-là, si l'enfant jeûne, son jeûne est valide, il est récompensé. Ils nous disent « Et il convient à son tuteur de lui ordonner le jeûne afin qu'il s'y habitue et s'y accoutume. » Il convient à son tuteur de lui ordonner le jeûne afin qu'il s'y habitue et s'y accoutume. Ceci relève de la responsabilité des parents. Une responsabilité qui aujourd'hui est bien souvent négligée. Combien sont ceux à avoir des enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans et qui n'ont que très peu jeûné. Certains même atteignent la puberté, parfois sans le savoir, alors qu'ils n'ont jamais jeûné, si ce n'est que très peu. Et en tant que parent, il est nécessaire que tu saches que tu auras des comptes à rendre pour cela. Le Cheikh Abdel Latif ibn Abdel Rahman Ali Cheikh, rahimahullah ta'ala, a dit « Toutes les adorations ne sont obligatoires qu'à partir de la puberté. Quant aux responsables de l'enfant, le père, la mère ou autre, il est obligatoire pour lui de lui ordonner et de l'entraîner aux adorations dès qu'il atteint le discernement et qu'il les comprend, afin qu'il s'y habitue et se familiarise avec le bien. » Fin de citation de la parole du Cheikh, rahimahullah ta'ala. Donc il fait partie des responsabilités des parents d'habituer leurs enfants au jeûne. Dès qu'il atteint l'âge de 7 ans, on lui ordonne la prière, quotidiennement. Puis lorsque vient le mois de Ramadan, on l'habitue à jeûner. Et c'est ainsi que faisaient les compagnons, radiyallahu anhum, comme cela est rapporté, qui faisaient jeûner à leurs enfants le jeûne du jour de Ashura. Et ils faisaient pour leurs enfants des jouets de laine. Puis lorsqu'un enfant pleurait, en raison de la faim, ils lui donnaient ce jouet de laine jusqu'à ce que vienne le moment de la rupture. Aujourd'hui, il se peut que si une mère fait cela, elle soit méprisée par certaines femmes, ou critiquée. Et ces personnes-là qui la critiqueront, penseront être meilleures et plus bienfaisantes et plus miséricordieuses qu'elles envers leurs enfants, car elles ne les font pas jeûner. Wallahul musta'an. Et ce car, nous n'avons pas basé nos actes, nos manières d'agir, nos comportements sur le suivi réel de la religion de l'islam. Chacune de nos actions, parmi nos actions religieuses, doit être évaluée en fonction des textes du Coran et de la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Et il faisait partie de la voie de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, qu'ils faisaient jeûner leurs enfants. Donc en tant que parent, tu dois habituer ton enfant au jeûne. Imagine que ton enfant atteigne la puberté à 9 ans ou à 10 ans, et que tu ne l'aies jamais habitué à jeûner. Vient le mois de Ramadan, il doit jeûner un mois complet. Il n'y a pas de doute que ceci sera difficile pour lui. Alors que si les années précédentes tu l'as habitué à jeûner, tu as commencé par le faire jeûner certains jours, puis si tu as vu que il a supporté le jeûne, il a augmenté la cadence, jusqu'à jeûner un jour sur deux, ou plusieurs jours par semaine, et ainsi de suite. Alors lorsqu'il deviendra pubère, il sera facile pour lui de jeûner. Mais si tu négliges ta responsabilité, et que tu ne l'habitues pas à jeûner, alors en réalité, tu es malfaisant envers cet enfant et tu lui causes du tort. Car tu vas lui mettre dans une situation dans laquelle l'adoration sera pour lui difficile, alors qu'en habituant, elle aurait pu être beaucoup plus facile. Et bien sûr, les enfants ne sont pas tous pareils. Bien entendu, il y a des cas particuliers. Il faut évaluer les capacités de l'enfant et l'habituer à jeûner en fonction de ses capacités. Et également, il faut le mettre dans de bonnes conditions. Faire en sorte qu'il ait un programme durant sa journée de jeûne qui ne va pas trop le fatiguer afin qu'il ne souffre pas de la faim et de la soif. Donc en résumé, on a dit que la puberté est une condition rendant obligatoire le jeûne. Avant la puberté, le jeûne n'est pas obligatoire, mais il est obligatoire pour les parents d'habituer leurs enfants à jeûner dès qu'ils ont atteint l'âge de discernement, qu'ils comprennent cette adoration, qu'ils en ont les capacités afin qu'ils s'y habituent et se familiarise avec celle-ci. Troisièmement, c'est-à-dire la troisième condition rendant obligatoire le jeûne de Ramadan, ils ont dit c'est la raison. Ils disent, le jeûne n'est donc pas obligatoire pour le fou, pour el-mejnoun, ou le déficient mental, D'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plume a été levée pour trois, et il a mentionné parmi eux le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Donc celui qui n'a pas sa raison, il ne peut pas jeûner. Tout simplement car, comme on l'a vu hier, il fait partie des piliers du jeûne d'avoir l'intention. Et celui qui n'a pas la raison, il ne peut pas avoir l'intention. Il ne peut donc pas remplir ce pilier. Et son jeûne, par conséquent, ne peut être valide. Et ceci concerne bien entendu celui qui perd totalement la raison. Quant à celui qui la perd partiellement, certains jours il lui arrive de perdre la raison, et d'autres jours il a toute sa raison. Alors dans ce cas-là, il devra impérativement jeûner les jours où il a sa raison. Il sera excusé les jours où il aura perdu sa raison. Et entre dans cela la personne âgée lorsqu'elle perd son discernement et perd par conséquent la raison. Ensuite, ils ont dit quatrièmement la santé. Le jeûne n'est donc pas obligatoire pour celui qui est malade et qui ne supporte pas le jeûne. Soulignez bien cela. Le jeûne n'est donc pas obligatoire pour celui qui est malade et qui ne supporte pas le jeûne. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que celui qui est malade d'une maladie légère, alors le jeûne reste obligatoire pour lui. Ils nous disent, et s'il jeûne, son jeûne est valide. Si une personne est malade, d'une maladie lui rendant le jeûne difficile, mais décide tout de même de jeûner, alors son jeûne est valide. Et qu'est-ce qui est préférable dans cette situation? Cela nous le verrons, inshallah ta'ala, dans le cours de demain, car nous verrons les excuses permettant de rompre le jeûne. Et parmi les excuses, il y a la maladie. On verra les différents cas de figure, inshallah ta'ala. Ils disent donc, et s'il jeûne, son jeûne est valide. D'après la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Ce verset est une preuve que celui qui est malade, il est excusé et il a la permission de ne pas jeûner. Ensuite, ils disent, une fois guéri de sa maladie, il sera donc obligatoire pour lui de rattraper les jours qu'il a manqués. Et ceci concerne bien entendu le malade qui est atteint d'une maladie dont il espère la guérison. Une fois guéri de sa maladie, il devra rattraper les jours manqués. Mais s'il est atteint d'une maladie dont il n'espère pas la guérison, alors celui-ci, étant donné qu'il ne pourra jamais rattraper, il devra donner une compensation, qui est de nourrir un pauvre pour chaque jour manqué, et on verra les détails à ce sujet dans le prochain chapitre, Inch'Allah ta'ala. Cinquièmement, la résidence. Il fait donc partie des conditions rendant obligatoire le jeûne dans Ramadan que la personne soit résidente. Ils disent, le jeûne n'est donc pas obligatoire pour le voyageur. D'après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Donc le malade et le voyageur, ils sont excusés. Il leur est permis de rompre le jeûne. Même si ce voyage ne lui rend pas le jeûne difficile. Car la permission ici, elle est liée simplement au voyage et non pas à sa difficulté. Le simple fait d'être en voyage lui rend permis la rupture du jeûne. Et on verra dans le prochain chapitre qu'est-ce qui est mieux en fonction des situations. Ensuite, ils disent, et si le voyageur jeûne, son jeûne est valide. Et il est obligatoire pour lui de rattraper les jours qu'il a manqués durant son voyage. S'il rompt durant son voyage, alors tous ces jours qu'il n'a pas fait durant le mois de Ramadan, il devra les rattraper. C'est pour cela qu'il est important, que ce soit pour le malade ou le voyageur, de noter les jours qui sont manqués, afin de pouvoir s'empresser de les rattraper. Et comme je l'ai dit, on verra les différentes situations et les différentes questions liées au voyage lors du prochain chapitre, Inch'Allah ta'ala. Sixièmement, l'absence de menstrues et de loshi. C'est-à-dire que parmi les conditions rendant obligatoire le jeûne de Ramadan, il y a, en ce qui concerne la femme, l'absence de menstrues et de loshi. Ils disent, le jeûne n'est donc pas obligatoire pour les femmes en état de menstrues ou de loshi. Il leur est même interdit. Elles n'ont pas le droit de jeûner. À partir du moment où la femme est en état de menstrues ou en état de loshi, elle n'a pas le droit de jeûner. Ni le jeûne obligatoire, ni le jeûne surérogatoire. Ils disent, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas que lorsqu'elle a ses menstrues, elle ne prie pas et ne jeûne pas? Ceci est sa déficience dans sa religion. Donc lorsque la femme jeûne, elle doit savoir que dès l'apparition du sang des menstrues, son jeûne est annulé, même si ceci n'a lieu qu'un instant avant le coucher du soleil. À partir du moment où le sang est apparu, son jeûne est annulé, elle devra impérativement rattraper ce jour. Et on parle bien ici de l'apparition du sang et non pas des douleurs liées aux menstrues. Si elle ressent les douleurs, mais que rien n'est apparu avant le coucher du soleil, alors elle continue de jeûner et son jeûne est valide, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, si elle retrouve la pureté durant la nuit, même si ce n'est qu'un instant avant le lever de l'aube véridique, elle constate qu'elle a retrouvé sa pureté. Alors même si elle ne s'est pas encore purifiée, dès lors qu'elle a retrouvé la pureté durant la nuit, elle pourra jeûner, Inch'Allah ta'ala, même si elle ne fait ses grandes ablutions qu'après le lever de l'aube. Ce qui est pris en considération, c'est le retour de la pureté. Ensuite, ils disent, et le rattrapage est obligatoire pour elle. D'après la parole de Aïcha radiallahu anha qui a dit, ceci nous arrivait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On nous ordonnait alors de rattraper le jeûne, mais pas la prière. On nous ordonnait de rattraper le jeûne, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonnait aux femmes de rattraper les jours de jeûne manqués durant leur menstrue et leur logis. Ceci concernait donc les conditions rendant obligatoire le jeûne de Ramadan. La sixième question concerne la détermination de l'entrée du mois de Ramadan et sa fin. C'est-à-dire à partir de quel moment considérera-t-on que le mois de Ramadan a commencé et qu'il a terminé? Ils disent, l'entrée du mois de Ramadan est confirmée par la vue de la nouvelle lune, par sa propre vision, par le témoignage de quelqu'un l'ayant vu, ou bien en étant informé de cela. Donc il y a trois cas de figure possibles. Soit la personne a elle-même vu la nouvelle lune. Dans ce cas-là, elle considérera que le mois de Ramadan est entré. Le deuxième cas de figure est que quelqu'un témoigne avoir vu la nouvelle lune. Et le troisième cas est qu'on soit informé de cela, qu'on nous informe que quelqu'un a témoigné avoir vu la nouvelle lune. Ils disent par conséquent, si un musulman intègre témoigne avoir vu la nouvelle lune de Ramadan, l'entrée du mois de Ramadan est confirmée par ce témoignage. Comme le démontre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ » Donc quiconque parmi vous a témoigné de ce mois, a assisté à ce mois, a observé ce mois, qu'il jeûne. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous le voyez, alors jeûnez, c'est-à-dire lorsque vous voyez le nouveau croissant lunaire. Et le hadith d'Ibn Omar, qu'Allah les agrée, qui a dit, j'ai informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ma vision de la nouvelle lune de Ramadan, il l'a alors jeûné et a ordonné aux gens de jeûner. Donc on voit ici les trois cas de figure. Abdullah ibn Omar a vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu son témoignage, et les gens ont été informés de cela. Donc c'est de cette manière qu'on confirme l'entrée du mois de Ramadan, par la vision de la nouvelle lune. Et si on ne la voit pas, ils nous disent, dans le cas où l'on ne voit pas la nouvelle lune, et qu'aucun musulman juste, intègre, ne témoigne l'avoir vu, il est alors obligatoire de compléter la durée de Sha'ban à 30 jours. Donc dans le calendrier lunaire, les mois font 29 ou 30 jours. Et au 29e jour, à la tombée de la nuit, on observe si l'on voit ou non la nouvelle lune du mois suivant. Si la nouvelle lune est observée, alors on considérera qu'on est entré dans le mois suivant. Et si la nouvelle lune n'est pas observée, alors on complète le mois présent à 30 jours. Et c'est de cette manière que l'on détermine le début et la fin du mois de Ramadan. Si à la tombée de la nuit au 29e jour de Sha'ban, la nouvelle lune est observée, alors on considère être entré dans le mois de Ramadan. Et si elle n'est pas observée, alors on complète la durée de Sha'ban à 30 jours, et le jour suivant sera le premier jour du mois de Ramadan. Ensuite, ils attirent notre attention sur un point d'une grande importance. Ils disent, et l'entrée du mois ne peut être déterminée que par l'une de ces deux manières, par la vue de la nouvelle lune ou en complétant la durée de Sha'ban à 30 jours. Comme le démontre la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jeûnez lorsque vous le voyez, rompez lorsque vous le voyez, et si vous n'arrivez pas à le voir, alors complétez la durée de Sha'ban à 30 jours. Donc ici, ils attirent notre attention sur le fait que l'on ne se base pas sur les calculs pour déterminer l'entrée ou la fin du mois. Mais le début et la fin du mois ne sont déterminés que par la vue de la nouvelle lune ou en complétant la durée du mois à 30 jours. Et les calculs ne sont en aucun cas pris en considération. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il dit: jeûnez lorsque vous le voyez, rompez lorsque vous le voyez, et si vous n'arrivez pas à le voir, alors complétez la durée de Sha'ban à 30 jours. Il se peut que la nouvelle lune soit présente, comme il l'affirme parfois aujourd'hui avec les calculs, mais celle-ci ne peut être vue, pour différentes raisons. Dans ce cas-là, on complète la durée de mois de Sha'ban à 30 jours, et on ne prend pas en considération les calculs auxquels les gens appellent aujourd'hui. Ensuite, ils disent que la fin de Ramadan est confirmée par la vue de la nouvelle lune du mois de Shawwal par deux musulmans intègres. Et s'il n'y a pas deux musulmans intègres qui témoignent l'avoir vue, il est alors obligatoire de compléter la durée de Ramadan à 30 jours. Donc il en est de même concernant la fin du mois. Il n'y a que deux manières de la déterminer. Soit la nouvelle lune est observée, soit on complète la durée du mois de Ramadan à 30 jours. La seule différence qu'il y a entre le début et la fin du mois, c'est que pour déterminer le début du mois de Ramadan, un seul témoin est suffisant, alors que pour les autres mois, il y a besoin du témoignage de deux musulmans intègres. Ensuite, ils ont dit, septièmement, le moment de l'intention lors du jeûne et son jugement. Et ceci est la dernière question que l'on va voir dans cette introduction. Ils disent, il est obligatoire pour le jeûneur d'avoir l'intention du jeûne, car elle est un de ses piliers, comme nous l'avons vu précédemment. C'est ce que démontre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les œuvres ne valent que par les intentions, et chacun sera rétribué selon son intention. Et on a déjà parlé de cela dans le cours d'hier. On a vu la différence entre celui qui jeûne pour Allah et celui qui jeûne pour faire comme ses amis, comme sa famille, ou par peur de ses parents, autre chose semblable. Et on a vu que ceux-là, ils ne sont pas égaux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc d'une grande importance de veiller à purifier tes intentions dans chacune de tes actions. Mais ici, ce qu'on va voir, plus particulièrement, c'est le moment de l'intention. À quel moment celle-ci doit avoir lieu? Ils nous disent, l'intention doit avoir lieu durant la nuit pour le jeûne obligatoire. Elle doit avoir lieu durant la nuit pour le jeûne obligatoire, comme le jeûne de Ramadan, les expiations, le rattrapage et les vœux, même si ce n'est qu'une minute avant l'aube, avant le fajr. Même si la personne n'a l'intention de jeûner qu'un instant avant le lever de l'aube véridique. Ceci est suffisant, Inch'Allah. Ce n'est pas une condition de se coucher le soir en ayant l'intention de jeûner. Mais si la personne se lève avant l'aube et qu'elle décide de jeûner, alors ceci est valide, Inch'Allah ta'ala. Ils nous disent, c'est ce que démontre la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quiconque n'a pas l'intention de jeûner avant l'aube, alors son jeûne n'est pas valide. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne le jeûne obligatoire, il est impératif que tu aies l'intention de jeûner durant la nuit. Et il n'est pas possible de commencer ce jeûne, qui est obligatoire, après le lever de l'aube. Et si telle est la situation, il est nécessaire pour nous de savoir qu'est-ce que l'intention. La réponse est que l'intention est une chose qui se trouve dans le cœur. Ce n'est pas une parole à prononcer. Et il n'est pas légiféré de la prononcer avec la langue. Car ceci est une chose innovée qui n'est pas rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam ni de ses compagnons radiyallahu anhum. Mais l'intention, c'est la ferme volonté de faire une chose. Lorsque tu te décides à faire une chose, c'est que tu en as l'intention. Par exemple, si une personne a l'habitude de se lever 15 minutes avant le fajr pour faire ses ablutions et se préparer pour la prière. Lorsqu'elle jeûne, certainement, elle va se lever un peu plus tôt. Peut-être 30 minutes ou 45 minutes avant le fajr. Donc lorsqu'elle règle son réveil pour se lever 30 ou 45 minutes avant le fajr avec l'intention d'avoir le temps pour prendre le repas avant l'aube, ceci est son intention. Lorsqu'elle fait cela, ceci indique qu'elle a l'intention de jeûner. Également, si elle a préparé un repas pour le prendre avant l'aube, c'est qu'elle a l'intention de jeûner. Donc il ne faut pas penser qu'il y a une chose à prononcer avec sa langue, ni même à prononcer dans sa tête. Mais l'intention, c'est ta décision, ta volonté d'accomplir l'acte. Dès que tu as pris cette décision, que tu as la volonté de jeûner, c'est que tu en as eu l'intention. Et ceci doit impérativement avoir lieu durant la nuit en ce qui concerne le jeûne obligatoire. Ils disent, par conséquent, quiconque a l'intention du jeûne durant la journée et qui n'a rien mangé, ceci n'est pas valable. Par exemple, une personne, durant l'année, a des jours de Ramadan à rattraper. Elle se lève le matin, va faire la prière de l'aube, puis va qu'à ses occupations dans la matinée. Et durant la matinée, elle se rend compte qu'elle n'a pas faim, qu'elle n'a pas mangé, qu'elle n'a pas bu, qu'elle n'a rien fait annulant le jeûne. Alors elle décide de jeûner et se dit, ah mais j'ai un jour à rattraper. Je vais donc rattraper ce jour aujourd'hui. Alors, ceci n'est pas valable car le rattrapage est un jeûne obligatoire. Et pour le jeûne obligatoire, il est impératif d'avoir l'intention durant la nuit, même si ce n'est qu'un instant avant l'aube. Ils nous disent, quiconque a l'intention du jeûne durant la journée et qui n'a rien mangé, ceci n'est pas valable. Sauf lors du jeûne surérogatoire, pour lequel il est permis d'en avoir l'intention en journée, à condition de n'avoir rien mangé, ni nourriture, ni boisson, et de n'avoir rien fait parmi les choses annulant le jeûne. C'est ce que démontre le hadith de Aïcha radiallahu anha, qui a dit, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré chez moi et a dit, avez-vous quelque chose, c'est-à-dire quelque chose à manger? Nous lui avons dit que non. Il a alors dit, je suis alors dès à présent jeûneur. Je suis alors dès à présent jeûneur. C'est-à-dire qu'il est entré alors qu'il ne jeûnait pas. Et lorsqu'il a vu qu'il n'y avait rien à manger, il a décidé de jeûner. Et ceci est valide en ce qui concerne le jeûne surérogatoire. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, celui qui se lève, qui fait la prière du Fajr, qui va qu'à ses occupations, durant la matinée, s'il n'a rien mangé, rien bu, rien fait qui annule le jeûne, et qu'il décide de jeûner d'un jeûne surérogatoire, alors il n'y a pas de jeûne en cela. Il sera récompensé dès lors qu'il en a eu l'intention. Ensuite, ils disent, quant au jeûne obligatoire, il n'est pas valide par une intention durant la journée, et il est obligatoire d'en avoir l'intention la nuit, comme on a mentionné précédemment. Enfin, il suffit d'une seule intention au début de Ramadan pour l'ensemble du mois, et il est recommandé de la renouveler chaque jour. Ceci est l'avis le plus juste sur cette question. Est-ce que je dois avoir l'intention chaque nuit durant le mois de Ramadan ou une seule intention au début de Ramadan est suffisante? Ils nous disent ici qu'une seule intention est suffisante. En effet, tout musulman, lorsqu'arrive le mois de Ramadan, il a l'intention de jeûner tous les jours. Il n'y a donc pas d'intention à renouveler car il sait pertinemment qu'il va jeûner tous les jours. Et quoi qu'il en soit, chaque jour durant ce mois, il va faire certaines des choses que l'on a mentionnées, se lever plus tôt, préparer un repas spécial et ainsi de suite. Et ceci indique qu'il a l'intention de jeûner. Ils nous disent qu'il est recommandé de la renouveler chaque jour. Et ici, il faut souligner un point important, c'est que cela concerne celui qui n'a pas le choix de jeûner ou non. Quant à celui qui a le choix, comme le voyageur par exemple, ou celui qui est malade, s'il veut jeûner, alors il sera impératif pour lui d'avoir l'intention durant la nuit. Il n'est pas possible pour lui de se lever le matin sans savoir s'il va jeûner ou non, puis ensuite, en fonction de ses occupations de la journée, décider de jeûner. Car le jeûne obligatoire ne peut être valide que par une intention durant la nuit. Une seule intention suffit donc au début du mois de Ramadan pour celui qui n'a pas une excuse lui permettant de rompre. Quant à celui qui a une excuse lui permettant de rompre, ou qui a le choix de jeûner ou de ne pas jeûner, alors celui-ci devra impérativement, durant la nuit, se décider à jeûner ou non. On a donc terminé ce chapitre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et dans le cours suivant, nous commencerons le deuxième chapitre qui concerne les excuses permettant de rompre et les annulatives du jeûne. On va donc s'arrêter là pour ce soir. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا